Salut Charline. Joyeuse Pâques. Ah là, mais c'est pas la fête, hein, c'est la grève. Ah oui. Pardon, pardon. Bon, on fait une émission ou pas? Ah, moi je suis chaud pour faire de la blague, hein. Mais oui, on pourrait parler de la grève. Non, soutenir la grève. Oui, attention. Ça voudrait dire qu'on fait une émission engagée. Mais on fait que les émissions engagées. C'est vrai, ça. Bon, si on l'a fait, on l'a fait pourquoi? Bah parce qu'on s'ennuie, par exemple. Pour l'argent. Ah bah non, par conviction, bien sûr. Ah oui, c'est ça, par conviction, mais oui, c'est ça. Quelle conviction? Conviction qu'on soutient le service public. C'est ça. On soutient le service public. Voilà, on fait des blagues pour expier. C'est ça. On fait des blagues pour expier. Voilà, on fait pas une émission normale, mais presque normale. Bah oui, voilà. Parce que certains sont encore en grève, hein, faut pas c'est oublier. C'est ça. Certains sont encore en grève, faut pas oublier. Ah, attends. Vous m'écrivez des sketchs sur les 19 derniers jours. Ouais, les imitations de Jean Ferrat. Des vannes sur Galet, sur Pèlerin. Sur le canard enchaîné. Ah, ouais. Voilà, papa, il y en aura pour tout le monde. Là. C'est ça, il y en aura pour tout le monde. Voilà. Alex, si tu peux arrêter de répéter tout ce que je dis, s'il te plaît. Ah zut, mais ça, c'est un réflexe que j'ai pris aux âgés. Camarade, ouais, camarade. Elle est bien engagée, hein, l'émission engagée. Et bien engagée, l'émission engagée. Bonjour la France Inter en grève, rebonjour les auditeurs, bonjour les grévistes, les syndicalistes, bonjour la direction aussi, hein, c'est important, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité aux boiseries. Et voici les trois informations qu'on va entièrement rénover, de la moquette au plafond jusqu'à 18h. Ah, oh, ça fait du bien. La lutte finale en est à son 19e jour à Radio France. Vous avez pas maigri, hein. Pardon ? Vous avez pas maigri. Non, on mangeait la merguez grillée toutes les âgées, tous les matins. Je vais vous raconter chocolat, les coulisses. Là, Fax, ça n'a pas marché votre truc. Hein. C'est pas crédible, vous avez l'air tous reposés. Oui, non, non, ça n'a pas du tout ça. Je vais vous dire, Adiastorale, on a une patate. Je vais arrêter de vous coiffer, ne vous lavez plus. Bon, alors je vais vous faire un point. Où en est-on de la lutte à Radio France? Tout de suite, un point sur l'évolution des revendications. Eh bien voilà, nous revendiquons. Nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons. Ah bah oui, ça c'est férié pour tout le monde, même pour les grévistes. Alors avec tout ça, on n'a pas encore eu l'occasion de vous parler des départementales et de cette percée spectaculaire à l'issue du scrutin. 10 femmes ont accédé à la présidence d'un conseil général. Elles avaient des talons, c'est pour ça qu'elles couraient moins vite. Alors qu'il y a une centaine de conseils généraux, seulement 10 présidents. Ouais, et une jupe serrée, ça va pas bien. Moi j'applique les règles de l'Académie française qui veulent que la madame la présidente, c'est la femme du président. Non, et madame mais le règlement de l'Assemblée, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Mais je vois pas où est-ce qu'il est marqué qu'on doit dire madame la présidente. Ah bah voilà. Nos politiciens s'entourent de coûteux conseillers en images. Ah, pas que nos politiciens d'ailleurs. Tout ça pour finir tout moche sur les réseaux par l'entremise des selfies, car les selfies, c'est la nouvelle passion des politiques. Allez, le selfie de la victoire. Oh, je suis mal coiffée. Pour l'instant, il est à 60. Allez, bien rougé. Oui, pour revenir à l'antenne, rien de tel qu'un petit coup de Nadine Morano. Et pour découper ces trois informations, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour, Charline. Et autour de la table, des voix qui veulent continuer à faire résonner haut et fort la différence du service public. À 17h30, l'homme qui a passé beaucoup de temps en âge mais pour travailler. Il a soutenu les militants en leur tendant son micro. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. C'est pas une personne âgée non plus. Mais c'est les cheveux blancs qui commencent à pousser. Et pourtant. Eh ben je vais vous parler de Radio France, de la grève et des travaux parce qu'on dépense tout plein de sous pour que Mathieu Gallet soit bien installé. Et puis la maison de la radio, c'est une vieille dame, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle aussi. Eh oui, une vieille dame qui se bat pour ne pas crever, c'est la grève. Oh, ça fait bizarre quand on pénètre dans la maison. Ouh, attention, c'est chaud. C'est une vieille dame. Un jour férié et de grève. À 17h40, c'est la cause de qui pendant 19 jours j'ai fait grève de la séduction. Ce qui m'a permis d'en déduire que je tente personne ma chance ou pas. Le résultat est le même pour moi. C'est l'échec. Bonjour Clara Dupont-Menoux. Bonjour Alex, bonjour à tous. Eh bien, en cas d'ambiance surchauffée, comme par exemple la grève à Radio France, il existe un condensé d'humour. C'est un livre, ce sont des pastiches et ça va détendre tout le monde. Très bien. 17h55, la surprise de notre retour d'habitude. On l'a le vendredi, mais aujourd'hui c'est Pâques, donc c'est cadeau, on l'a glissé dans l'œuf, comme il est pas bien grand, il rentre tout pile dedans. Ce sera Frédéric Fromet avec une chanson spéciale grève à 17h55. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous décrochez un premier rôle au cinéma dans Un moment d'égarement de Claude Berry en 77, en pleine explosion du mouvement punk au Royaume-Uni. Vous jouez dans Ciao Pantin en 83 quand Yannick Noah gagne Roland Garros. Mais nous gratifier. Pas, mais je ne l'ai pas aidé. Hein. Non. Ah, peut-être, on ne sait pas. J'y suis pour rien. J'aurais aimé. Tu as peut-être donné la patate. Je peux lui ramasser ses balles, s'il veut. Oui, calmez-vous. Cette année-là, il ne nous a pas gratifié d'une petite chanson. C'était la belle époque. Vous jouez au théâtre dans La Chieuse en 2012, quand Elisabeth II célèbre son jubilé. Elisabeth II, la reine des Chieuses. Et vous êtes Agnès Sora. Merci, bienvenue. Agnès Sora. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Agnès Sorel, donc vous avez pénétré cette vieille maison. Cette vieille dame. En pleine insurrection et aussi en jour férié. Ça vous a fait quelque chose? Ça vous a fait des choses dans le bas du dos? Ah ouais, là je me suis dit, je me fais violence. Hein. Travailler un jour férié. Ah oui. Vous avez l'air en forme pourtant. Ouais, bah je sais. Ah ouais. C'est parce que c'est un jour férié. Ouais, okay, Agnès Sorel qui publie Frangin chez Michel Lafon. Alors, on s'est dit ce matin, en parlant de vous, on s'est dit peut-être que quitte à devoir répondre aux questions des journalistes sans arrêt sur son frère, est-ce que c'est pas dit je vais écrire un bouquin et puis on va arrêter de m'en parler. Surtout, on va arrêter de faire l'amalgame. Oui. C'est pas mal, non? Les idées soraliennes. Certaines l'ont jamais fait. Je les ai pas, moi. Mm-hmm. Donc voilà. Ça vous a vraiment porté préjudice à un moment? C'est-à-dire qu'on pensait, Il y a des gens, j'ai des copains, rien que de me voir, ça leur fait penser à mon frère. Donc ils ont forcément moins envie de me voir. Il y en a d'autres, qui... Rappelons que vous êtes la sœur d'Elysée Moon, hein, quand même. Il y en a d'autres qui se sont servis de moi comme cible en pensant se venger de mon frère, par exemple. Donc, je ne comprenais pas pourquoi il m'agressait. Et puis après, j'ai compris. Voilà. Alors, ça va tellement loin dans le livre. Vous expliquez notamment que le gouvernement vénézuélien, oui, Clara Dupont-Mono, oui, écoutez bien, a demandé à un producteur de justifier votre présence, Agnès Sorel, dans un film, parce qu'on vous refusait... Oui, c'est l'ambassade française qui a refusé ma participation pour les idées extrémistes de mon frère. Voilà, un exemple parmi d'autres de préjudice. Ben en tout cas, là, j'ai eu l'autorisation du producteur d'en parler. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres situations. Voilà. Et vous avez eu l'occasion de, entre guillemets, coincer votre frère en lui disant « Est-ce que tu réalises que, du coup, je paye tes engagements ?» Déjà, il faudrait arriver à en placer une avec mon frère. Nolo, le dialogue désaccordé, il l'a fait par mail. Hein. Ils ont écrit un livre ensemble. Oui, oui. Donc, non, je plaisante, j'ai pas de contact avec mon frère, c'était pour faire un bon mot. Mais ça a pu vous aider pour certaines choses. Par exemple, pour jouer votre one-man show Théâtre de la Main d'Or, vous aviez des entrées. Vous n'avez pas profité, là. Alors, Agnès Sorel dans Frangin. Alors, vous dites aussi qu'il est bon de rire même de la mort. Donc, on comprend bien que vous riez de tout et que vous êtes une bonne rieuse. Est-ce qu'on arrive quand même à rire de tout ça? Notamment, il y a un passage où vous expliquez que la dame qui venait aider votre maman et qui était un petit peu la nounou de votre frère s'appelait Madame Dieudonné. Oui, c'est un hasard. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il s'est collé à lui. Il y a du subconscient là-dedans. Oui, je ne sais pas. Et vous suivez est-ce que le matin, par exemple, vous tapez Alain Soral sur Google non, pour savoir... Non, je ne tape pas sur Alain Soral le matin, non. Même pas sur même, Google. Même pas sur mon livre. Et quand vous voyez dans un journal son nom, vous l'achetez pour dire qu'est-ce qu'il a encore dit comme connerie ou vous dites... Non, okay, mais j'oublie, si c'est en la couverture où il y a écrit la haine et qu'il y a mon frère, forcément, je me demande s'il est devenu comédien. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs au tout début du livre, cette couverture avec Zemmour et ces mots qui vous ont choqué. C'est ce qui a cette été le déclencheur du livre d'ailleurs, comme je l'explique dans l'avant-propos. Oui, tout à fait. Alors, vous dites aussi que vous pensez que refuser de recevoir dans les médias et à la télévision Alain Soral, ça a été contre-productif. Ah, c'est évident. Vous n'êtes pourtant pas pour sa propagande dans les médias. Non, je ne suis pas pour sa propagande, mais justement, je pense qu'il y a un moment, ça l'a enferré dans une provocation auquel il s'est mis à croire ou sur lequel il n'arrive pas à reculer pour ne pas déplaire à ses fans. Qui peut-être l'aimerait quand même malgré tout, même si il reconnaissait qu'il a été un peu manipulateur. Je pense qu'on lui a donné sa part dans les médias pour faire son petit show, son petit numéro de provocateur pour l'Audimat, mais que il n'y a pas eu assez de gens qui étaient capables de lui tenir le crachoir. Comme il est assez humiliant et qu'il sait faire des bons mots, beaucoup de gens ont peur d'être humiliés par lui, je pense. Et du coup, il a été oublié et les gens de cette génération avaient sous-estimé la force du web sur lequel il a tissé sa toile jour après jour en faisant des petites vidéos qui sont énormément vues par des gens qui sont cultivés par le prisme de sa vengeance, en fait. Oui, il parle à la troisième personne, ça vous l'avez noté. Oui, vous l'expliquez d'ailleurs dans ce livre Frangin, Agnès Soral, où c'est aussi une forme un peu d'autobiographie, puisqu'il y a votre c'est égale un biopic. Enfance. Ouais, voilà, c'est un biopic, parce qu'en fait, je ne parle pas de ma carrière, je ne fais pas de dropping name, à part... je parle de Claude Berry très succinctement, c'est-à-dire que moi j'ai un axe de vie et disons qu'à un moment c'est une enfance bousculée par un père violent qui écrase ma mère qui était très jeune, hein, qui était une femme enfant, qui a eu son premier enfant à 18 ans, vous imaginez la maturité. Lui a 12 ans de plus et puis ensuite cette violence dont on ne se rend pas compte quand on est petit, cette maltraitance avec en même temps cette perception très floue de l'injustice qu'on subit parce que il n'y a pas de cri, il y a pas mon père ne veut s'y faire pas, c'est pas un alcoolique, c'est plutôt quelqu'un qui peut même être parfois tendre, qui a de l'humour aussi et puis ensuite il y a la résilience. Moi, j'ai pas mal tourné. Mon frère a mal tourné, je crois. Agnès Soral, Frangin. Et dedans, on parlera aussi notamment d'un de vos combats, le féminisme. Ce sera l'occasion d'un des sujets d'actualité qu'on va traiter. Agnès Soral, Frangin, c'est chez Michel Lafon. Allez, vous vous demandez ce qui se passe dans les couloirs de Radio France pendant ces 19 jours de grève, et c'est sans doute pas les derniers. Mais l'aspirateur n'est pas passé. En tout cas, ça ne chôme pas, c'est entre vrai. Autres. Ça discute de l'avenir de la radio, ça s'emballe, il y a des âgés où l'ambiance est chaude, parfois un petit parfum d'insurrection. Moi je dis vive la radio de service public, c'est ça l'objectif, donc rassurez-vous, même si le débat est chaud, tout le monde garde son sang-froid et un peu de trust, ah ben, ça fait du bien. We'll be right back. que ton visage en lisant ton journal. Tu marchais la rambo dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balle. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. L'antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. L'antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Antisocial. Antisocial, c'est pas la playlist, on est à l'antenne, c'est France Inter, vive la radio de service public. C'est une chanson sur mon frère. Non, non, non, parce que ce n'est pas antisémite, tu perds ton sang. Ah, c'est antisocial, pardon, c'est sûr. Agnès Sorel et Guillaume Meurice font un duo déjà épatant. À la main d'or, à partir de septembre 2017. Avec Robert Forisson en première partie. On a perdu Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek est en forme, vous êtes sur France Inter. Autre duo, Alex, on consomme massivement l'actualité et on passe les Alex infos. Alex Vizorek, il est tout décoiffé, dit Lorex. C'est ouf. C'est parce qu'il a pogué. Il a pogué pendant le. Il a pogué. Antisocial, ça vous a choqué. C'est un pogue dans cette. Et on a imaginé à tous les gens coincés dans les bouchons de retour de long week-end en écoutant Antisocial. Ils vont devenir fous. Il y a le mec qui a la Jeep, il est passé par-dessus celui qui était devant lui. Allez, petite revue de presse. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Eh bien, je vous le dis, ce morceau, c'est Kabadzi, c'est notre générique. Voilà, c'est, ah merde. Je vous le dis. Ouais. Ça s'arrête. Et on commence par le rapport de la Cour des comptes qui préconise de fusionner les rédactions de France Inter, de France Culture et de France Info. Oui, et dans un autre rapport, la Cour des comptes préconise la fusion de l'Assemblée et du Sénat. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Passons à Mathieu Gallet. Alors, il aurait été aperçu chez Fauchon la semaine dernière, c'est ça ? Ouais, le Canard Enchaîné publiera mercredi la souche du magasin. Oui, Parce qu'il croyait qu'il était fauché. Quoi ? Ah oui, c'est pour les fauchés, Fauchon. Pas encore, parce que faut l'engager, il faut engager Agnès Sorel. D'après l'inspection générale des finances, qui pointe l'achat en double de rillettes de saumon. Ouh là là, et la Cour des comptes préconisera donc le remplacement d'un pot de rillettes sur deux par du maquereau. Oui, mais le ministre de la Pêche ne préfère ne pas se prononcer à ce sujet. D'ailleurs, c'est une exclue dans une dizaine de minutes. Dans cette émission, nous aurons, Agnès Sorel, une interview exclusive de Mathieu Gallet. Non. Si, mais revenons à Inter. Très bien, Charlie, okay. Alors, voilà. Parlons de l'attachement des auditeurs à la fameuse playlist qui passe lors des programmes en grève. Oui, d'ailleurs, ça fait combien de fois qu'on entend Alain Bachung depuis deux semaines 42 fois. 42. C'est con, il est mort, il touchera rien. Ouais, les ayants droit. Vincent Delerme. Vincent Delerme, 36 fois. 36. Ouais, mais ça, c'est normal, parce que c'est comme Christine Anne de Queens. Hein, quand il n'y a pas grève, on l'entend 18 fois 18, par semaine. 18, génial idée quand même. 8 fois. 8, okay, alors ça, 8 fois, ça fait beaucoup, mais pourquoi vous me demandez ça? Je fais un loto, et si je gagne, c'est pour la caisse de grève. Ah, oh, bah très bien, ça, je vous encourage alors. Et 0 fois Jean-Jacques Goldman. Oui, mais quand même, c'est la grève, mais il y a des limites. Et tant qu'on est dans la musique, ça fait 5 ans que Jean Ferrat nous a quittés. Oui, je suis certaine que le combat de notre maison aujourd'hui l'aurait beaucoup touché. Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire. Vous savez qu'il a laissé quelques titres en soutien aux grévistes. On l'écoute. De bureaux en couloirs, de studios en régie, de voix iconoclastes en mythiques émissions, de moquettes sublimes aux divines boiseries, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson. Radio France. On a deux suicides là. Du grand Mathieu Gallet, la trentaine rugissante. Sous la poudre assassine, la colère qui gronde. Tu chantes. Les prolétaires précaires travaillant sous l'amiante, c'est tout ça la beauté de cette maison ronde. Radio France. Cette terre de liberté sur toutes les antennes. À Madame Pellerin qui donnait le vertige. Répondons-lui en cœur, fleur, lâche-nous la tige, ainsi qu'un peu d'engrais pour faire grandir nos chaînes. Radio France. Sinon, quel avenir à part un grand fracas? Un gâchis, une ruine, je prédis telle Cassandre. La radio de service public est aux abois, mais lesquels? Abois de palissandre. Radio France. C'est beau, comme du Guillaume Meurice, étonnamment. Okay, voilà. Mais c'était Jean Ferrail, c'est peut-être beau. Que tout à c'est l'heure, il y aura encore un petit morceau. Jean Ferrail. Jean Ferrail. Allez, jusqu'à 18h, on met l'actualité dans la prise sur cette belle radio, dans cette belle maison de Radio France. Premier sujet avec vous, Agnès Soral. Ah oh, tiens, premier sujet, la grève à Radio France. Ah, hein, oh, il y a la grève. Ah, ouais. Bon. Ou la quadrature du cercle dans la maison ronde. Nous sommes à l'antenne, bon. Mais les syndicats n'ont pas dit leur dernier mot. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Deuxio, un réajustement salarial. Et primo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. Et aussi, primo bis, on veut une pause à 10h le matin, parce qu'à midi et demi, il y a la queue au PMU. Là. Mais ouais, pas aussi, que dorénavant, les tickets restos soient verts, pour pas confondre avec les cartons oranges. Ouais. Ouais, et aussi que le 1er mai ne tombe plus un dimanche, oh. Ou alors que ça devienne le 2 mai. Là. Mais le c'est important, ouais. Ça aussi. Vous aurez reconnu les inconnus. Agnès Soral, la radio de service public, ça signifie quoi pour vous? Et derrière ça, la radio de service public en grève et qui n'aimait pas pendant plus de 15 jours. Alors, ça vous parle, c'est que c'est ça me parle. Ça veut dire que c'est l'État qui paye, c'est ça, qui vous paye, c'est-à-dire en, un peu en moins. En l'occurrence, qui ne veut plus payer. Je suis un peu votre patron, c'est ça. Non mais j'aimerais quand même que tu me parles. Vous êtes un peu actionnaire, ok. Je suis actionnaire, ok. Je paye mes impôts, ok. Donc je suis ta patronne. Maintenant, tu me fais voir. Est-ce qu'en tant qu'actionnaire, vous cautionnez le mouvement de vos travailleurs depuis voilà. 19 jours? Alors mes travailleurs, il va falloir qu'ils s'y remettent, hein. Et puis qu'ils arrêtent de déconner à l'antenne, parce que quand même, ça tue. Oui, on fait des blagues. Alors le service public, c'est aussi la création, l'innovation. C'est toutes ces choses, on a besoin de sous pour faire avec, parce que sinon, on ne fait pas tout ça, la création, mais de l'argent, l'originalité, de les créations originales. Parce qu'il n'y a pas de pub chez nous, comme ça. Ah bah ouais, pas sans pub. Enfin, jusqu'à présent. Oui. Oui, ah bah, ah. Oui. Ah, oui. Les infos viennent de la droite. Ça, c'est la voix du BDF. Ça. Mais non, mais on lutte contre, on ne veut pas. Clara, elle fait de la pub à sa manière avec ses livres. Elle touche de l'argent, certainement, je pense. Mais comme oui. D'autres avec leur spectacle. Alors, donc, ce matin, Fleur Pellerin, oui. notre tutelle, Madame la tutelle, comme disait Sophie Aram ce matin, était invitée. Et elle a répété, on peut penser une radio publique ambitieuse, mais plus économe des deniers publics. Non, mais peut-être qu'ils pensent que la radio publique, c'est-à-dire qu'on ferait venir du public, mais elle serait privée, ouais. Tu vois. Ouais. Et ça restreint une radio publique. Et voilà. Donc, vous, il y aurait compris. Des gradins, quoi. Si voilà. Le CSA vous écoute, il pourrait vous mettre à la tête de votre bâtiment. Ouais, sûr, ouais. Non, mais les politiciens sont toujours pleins d'ambition pour eux. Mais quand c'est pour les autres, ça doit se faire moins cher. C'est quand même fabuleux. Surtout quand c'est une des radios publiques en Europe les moins bien loties à l'échelle européenne. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire, je trouve ça dans le Parisien, mais il se trouve que Radio France est la radio publique qui touche le moins de budget dans toutes les radios publiques à l'échelle européenne. Voilà. Donc déjà, le serrage de ceinture, c'est aussi pour ça que ça râle, c'est qu'il est déjà là. Alors, il y a aussi un côté passionnel, parce que dès qu'on parle service public, qu'on parle politique, bien sûr, et donc tout ça, ça tend la situation comme un string, non ? Ceinture, string... Ouais. J'en porte plus, hein, je sais plus. C'est une info. Bon, alors, il y a aussi toujours un choc entre les services comme les services publics comme la santé ou la culture et la gestion. Et du coup, évidemment, on a un gestionnaire à la tête de Radio France, et ça qui parle pas comme nous parfois. Hein. Vous vous rappelez par exemple, les grévistes ont écrit une tribune dans Le Monde ce week-end. Ils disent on ne nous parle que de format et non de contenu, de marque et non d'identité d'antenne, d'argent et non de richesse. C'est beau. Est-ce que vous trouvez que c'est inéluctable, vous, ce genre de logique, Agnès Soral? Vous devez être confrontée à ça aussi, vous, en tant qu'artiste, à ce genre de vocabulaire de gestionnaire et dans lequel nous, on ne se reconnaît pas forcément. Nous, on a pleuré parce qu'il y avait de la pub sur la 2, puis maintenant on pleure parce qu'il n'y en a plus. Hein, parce que c'est nous qui... Ah bah, les cachets des téléfilms de France 2 ont diminué? Ah bah oui. Donc, on a vu la différence. Vous le ressentez. Oui, en tout cas, on nous a dit que c'était qu'il fallait qu'on soit moins payé tout de suite. Hein. C'est nous. Donc, vous êtes favorable à ce que la pub revienne, par exemple, après 20h ? Ah bah, du coup, on est un petit peu gêné. Hein, mais est-ce que, par exemple, la qualité des téléfilms qu'on vous propose sur le service public vous touche quand même et vous donne envie d'y aller ? Bah, on fait moins de d'historique, par exemple, parce que ça coûte plus cher. Enfin, je suis quand même mais là, c'est la mission de service public aussi. Hein. Du coup, le fait qu'il y ait moins d'argent, ben, on a moins de films historiques parce que ouais. Ça coûte plus d'argent. Et voilà. Mais bon, donc, pour faire la qualité, main. L'originalité, on a besoin de moyens. Voilà. Ouais. Fleur, vive bonjour. La radio, vive Radio France. Ouais. Bonjour Fleur, bisous au CSA à tout le monde. Allez, parlez plus fort. Pour bisous au CSA. Oui, au bisous au CSA. Il voilà. Y a Fleur Pellerin. Merci. Merci de passer à la caisse. On va faire une deuxième revue de presse pour ce. Oui, oui, oui, il faut se soulager de tout ça. Ça fait du bien après 19 jours. Allez, c'est parti. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no. Oui. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Ok, on n'a pas encore parlé de la grève à Radio France. Oui, hein et bien figurez-vous que vu le premier succès de Jean Ferrat, il nous en a envoyé un second. C'est ah, parti. C'est bon, ah. C'est Jean Ferrat aujourd'hui. Les travailleurs de la radio sont embourbés dans les travaux depuis de trop nombreux étés. Qu'importe les audiences, pas de censure, pas de galets dans la chaussure de leur programme de qualité. Pas de co, ce n'était pas original, se levait pour la matinale et venait agiter ses lèvres. Il s'attaquait aux gens d'en haut, sa carte de presse en deux morceaux et venait même les jours de grève. Tu vois... Ta France Inter est belle. Comment peux-tu imaginer d'aller migrer sur RTL, écouter la publicité. C'est beau. Il y a un concours d'imitation de Jean Ferrat qui est lancé. N'hésitez pas à participer. Voilà, mais Charline, il est temps de passer à l'exclusivité. Si tu écoutes, j'annule tout. Oui, Alex, il s'exprime peu, mais oui. Il a accepté un entretien avec nous. C'est le patron de cette maison. C'est un petit peu sa fête, hein. C'est oui. Mathieu Gallet. Voilà, il est avec nous au bout du fil en direct. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour Patrick Cohen. Non, c'est pas Patrick Cohen. Non, Patrick Cohen, c'est pas le seul mec capable de faire une interview de cette maison. Donc, Mathieu Gallet, je vais commencer par l'affaire du bureau. 100 000 euros, c'est cher. Ah, je trouve un peu injuste ce reproche. Oh, c'est facile ça comme réponse. Bon, le conseiller comme 90 000 euros, c'est cher aussi. Ah, je trouve un peu injuste ce reproche. Oui, bon, il n'y a pas envie d'en parler. Passons. Alors, on vous reproche de ne pas être un homme de radio, mais vous aimez Radio France. Vous écoutez Radio France. Moi, j'écoute assez souvent. Maintenant, je suis obligé. Et la concurrence. Ça, c'est malin, mais j'y crois pas. Non, Mathieu, par exemple, est-ce que vous connaissez France Info ? La promesse de France Info, c'est de l'info. Oui. Mais merci. Et France Musique, là, vous avez un souhait pour France Musique. Je souhaite que France Musique laisse plus de place à la musique. Bien sûr. Et France Bleu, c'est le bleu. Bon, venons-en à ce qui nous occupe par rapport au conflit social. Je ne doute pas, après avoir rencontré les collaborateurs depuis une semaine, que nous y parviendrons. Ah bon, on est tranquille alors. Et comment vous allez vous y prendre ? Je ne m'immiscerai pas dans un débat d'ailleurs qui concerne avant tout les partenaires sociaux. Ah bon ? Et comment on va faire ? J'ai un vrai plan de relance. Super, il a un plan. il a un plan. À partir de là, je pense que j'ai tout dit sur le sujet. Ah bah non, vous avez rien dit du tout, mesdames. Attends, alors il a dit j'ai un plan. Bon, du côté des employés, je vous cache pas qu'on n'y croit pas. Hein. Ah, je trouve un peu injuste ce reproche. Bon, j'ai l'impression que vous voulez pas nous en dire plus. Merci quand même pour l'interview. Au revoir, Mathieu Gallet. Bonjour, Patrick Cohen. Non, bon, il est fatigué. On va le laisser. Donc, là. Merci, Alex, pour cette exclusivité. Mais de rien, c'est une exclu. Ouais. Moi aussi, j'ai une chanson de Jean Ferrat. Non, qui défend vraiment Radio France. Bon, on l'écoute. Ouais, bah, c'est un document exceptionnel. Que serais-je sans toi, qui égaye ma vie? Que serais-je sans toi, qui vins à 17h? C'est quand il avait une trachéite. Quand je vois ce micro, ce fil qui nous relie, Que serais-je sans toi, Charline Vanunacker? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines. Stop. On vous a reconnu, c'est vous? Non, c'est pas moi, c'est Jean Ferrat. Jean Ferrat, Charline, vous avez fumé trois paquets de cravates. Ah, tout le monde vous a reconnu. C'est Jean Ferrat. La seule chose qui vous va, c'est la moustache. Bravo. Alors ça, c'était pas écrit sur ma feuille, ça, je l'avais pas vu. Non, c'est plus rigolo. Alex Vizorek m'a fait un coup dans le dos. Attention, oh, ça va se régler pendant la musique. Aïe, est-ce que The Revolution will be not télévisée? Elle sera radiophonique et ce sera sur Radio France, camarade. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Jill Scott Aaron, The Revolution will not be televised, mais radiophonique. Nous sommes avec Agnès Soral qui oui. publie Franchin chez Michel Lafond. Agnès, tout se passe bien pour cette on reprend l'antenne, le micro est rouge, c'est émouvant. Oui, je partagez cette émotion avec nous. Vous, là, je reviendrai. Vous êtes beaucoup plus drôle que votre frère, ça. Non, mon frère, il est drôle, là. Il s'est égaré, mais il était très drôle, hein. D'ailleurs, dans mon livre. C'est de l'humour juif. Dans mon livre, il y a des passages où, malgré sa personnalité particulière, c'est quelqu'un avec qui je me suis bien marrée. Hein. Voilà, tout ça à découvrir. Donc, dans Frangin, chez Michel Lafond. Un autre rigolo, ici, c'est notre comique d'investigation, parce que c'est l'heure du moment Meurice, sur France Inter, notre envoyé très spécial, Guillaume, vous avez fait votre bagage, renouvelé votre passeport, fait vos vaccins pour partir. Où, Guillaume ? Ouh là là, à la maison de la radio, figurez-vous. Et oui, car camarades, c'est toujours la grève. 19e jour consécutif à Radio France. C'est le désespoir total chez les auditeurs de toutes les stations. C'est ça ? Ah oui, mais c'est pire que ça. On a vu des auditeurs de France Inter raser leur collier de barbe en signe de protestation. On a vu des auditrices de France Culture raser leur collier de barbe en signe de protestation. Des auditeurs de France Musique jeter de rage leur couche confiance contre la maison de la radio. On a même vu des auditeurs du Move. Non, je plaisante bien sûr, il n'y a pas d'auditeurs au Move. Les craintes des grévistes sont bien évidemment légitimes. Demandons à Bertrand, un des leaders du mouvement. 300 emplois de moins, 10% du personnel en moins, c'est-à-dire que les autres devront bosser plus ou alors ne plus faire la même radio. Bon, il semblerait que vous ayez du mal à communiquer avec Mathieu Gallet. Il a moins de mal à communiquer avec le canard enchaîné, manifestement. Et pourquoi vous prenez pas un conseiller en communication ? À 90 000 euros l'année, on nous emmerderait avec les cotisations, bon voilà. Moi je vous en trouve un à 60 000. Non, allez, on arrête. Ah voilà, voilà, le manque d'ambition et de stratégie du syndicaliste. Il reproche, vous l'avez compris, à Mathieu Gallet la somme dépensée pour son conseiller en images et en communication, 90 000 euros par an. Pourtant, nous vivons dans un monde de communication, il faut communiquer. J'ai d'ailleurs appelé un des meilleurs du marché, sinon le meilleur, Jacques Séguéla. Monsieur Séguéla ne souhaite pas faire l'interview. Ah, il veut pas communiquer ? Non. C'est un communicant qui ne veut pas communiquer ? Non. Ah voilà, voilà, donc ça c'est souvent le problème des communicants, ils ne souhaitent pas communiquer. C'est le principe du boucher charcutier végétarien, ou de l'acteur porno pudique, ou de Manuel Valls dans un parti socialiste. C'est toujours un tout petit peu bizarre, mais je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai appelé un autre spécialiste, Olivier Lacanal, conseiller en images pour la société Ligne de Mire. Qu'est-ce qu'il pense du tarif du conseiller de Mathieu Gallet ? 90 000 euros, la prochaine fois qu'il en a besoin, vous me l'envoyez. Hein. Ah, vous prenez moins cher, vous ? Bah, 90 000 euros, je pense qu'il a eu droit à pas mal de séances pour ce prix-là. Ah bah j'espère, j'espère bien. C'est des pauses honoraires. Hein, après, je ne sais pas ce qu'a proposé cette personne et comment ça s'est passé. Hein. Hey, nous non plus, on ne sait pas. Mais il paraît qu'avant ces séances, Mathieu Gallet ressemblait à Gollum dans Le Seigneur des Anneaux et il avait le charisme de Thierry Beccaro. Donc la somme dépensée semble quand même justifiée. D'ailleurs, à quoi ressemblent des séances de coaching en images ? Demandons à Olivier. L'écoute, beaucoup. J'essaye de créer l'alliance avec eux, enfin j'essaye ou je réussis à créer l'alliance, ce qui fait que ça va les mettre en confiance. Et après, c'est eux qui vont travailler. Après, c'est eux qui vont explorer leurs croyances par rapport à leur image, leur... Ah oui, donc vous en foutez pas lourd quand même, alors ? Ben, oui, on peut voir ça comme ça. Ouais, ben on le voit comme ça, hein, Olivier, un type qui fait juste écouter les autres et qui se contente d'encaisser l'échec. Ça s'appelle un escroc ou un psychanalyste, hein, si vous aimez les synonymes. Mais revenons à notre cher PDG et à ses dépenses. Est-ce que, par exemple, le conseiller de Mathieu Gallet a bien fait de lui conseiller de changer la moquette de son bureau ? Si vous changez vos vêtements, ça va changer votre image à vous. Mais si vous changez la moquette de votre bureau ou le tableau qui est derrière votre bureau, et puis la maison de la radio, c'est une vieille dame, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle aussi. Bah on vous fait confiance, vous êtes conseiller en image, vous devez bien conseiller des vieilles dames. Je vois pas très bien le rapport avec l'image là. Pour être franc. Ah bon, on avait du mal à communiquer avec Olivier, mais ça m'a quand même donné une idée, me placer pour un futur poste vacant de président de Radio France. Et si j'y arrive, pas question de garder la moquette de mon prédécesseur, hein, moi je veux de la qualité. J'ai donc appelé Sam Aclou. Alors, comme j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit budget pour ça, j'ai demandé directement le modèle le plus cher. Bah, c'est de la moquette en laine, faut compter autour des 129 euros le mètre carré. Ou... 129 euros le mètre carré ? Ouais, à peu près, hein. C'est tout ce qu'il y a de noble, quoi, en gros. Et si je superpose deux couches de moquette, je peux peut-être gagner encore en qualité, là, non ? Mais non, pas du tout. Ah non, c'est pas possible, ça ? C'est pas possible et c'est pas conseillé, d'ailleurs. Ah, c'est pas conseillé. Et un bon conseiller en moquette, c'est important aussi. Mais bon, 129 euros le mètre carré, ça fait un peu discount, ça fait un peu loser. J'ai pas envie de passer pour un pauvre prolétaire qui pue la sueur, un burk. Bon, bref, j'ai pas envie de passer pour un syndicaliste. D'ailleurs, retournons voir Bertrand. Est-ce que vous pensez que je peux postuler pour être président de Radio France ? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en capacité de postuler à ce poste aujourd'hui. Moi, je dis, par exemple, les frites gratuites à la cantine. Est-ce que c'est un bon point pour les syndicats ? Que tout le personnel vote. Eh ben voilà ! C'est quand même pas bien compliqué de mettre tout le monde d'accord. Alors Mathieu, si tu nous écoutes, annule tout. Tes conseillers en com, en images, tes boiseries, ta moquette. Et bats-toi pour faire vivre le service public. C'est mon conseil. Et devine quoi ? Il est gratos. Merci Guillaume Meurice-Thorez pour votre reportage. Vous êtes sur France Inter. Tout de suite, le sujet 2 avec notre invitée Agnès Soral. Les départementales étaient un modèle planétaire de parité, Agnès, avec des candidatures en binôme mixte. Tiens, il doit y avoir des œufs dans le frigidaire. Et alors ? Et alors, si t'en casses 4, ça va faire une omelette. Non mais va te faire foutre pour qui tu me prends. Non mais je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux te faire un œuf, t'as qu'à te le faire cuire tout seul. Extrait de Ciao Pantin. Avec Agnès Soral. Eh oui. Et Coluche. Oui. Ouais. Ça collait bien pour la parité. Alors, il y a un petit peu plus d'un an, on a enfin permis à deux hommes et deux femmes de se marier. Tout ça pour imposer un homme et une femme au départemental. C'est quand même fou, non, ce pays? Moi, je comprends plus. Ils ne se sont pas mariés, en tout cas, ils ont dû se fâcher, ils ne sont pas arrivés tous ensemble. Exactement, oui. Alors, ils ont dû se paxer le temps d'un vote, d'une élection. Et après, résultat, voilà, 10 femmes présidentes de conseillers généraux, alors qu'il y en a 101. Alors je vous rassure, apparemment c'est quand même une performance parce que dans les précédentes assemblées il y avait 5 femmes, donc ça fait 2 fois plus qu'avant, et donc ça c'est une performance quand même, non? Voilà. Alors on vous connaît féministe, vous dites d'ailleurs dans votre livre, je rappelle que vous publiez Frangin chez Michel Lafon, je suis devenue féministe à l'âge de 8 ans. Combat de longue haleine alors. Voilà, c'est ça, une conscience que la valeur de travail égale, pas de salaire égaux. Voilà. Et à 8 ans, c'est quoi, par exemple, quand vous demandez de tondre la pelouse, votre frère prenait plus? Non, c'est, ma mère était payée 2 fois moins qu'un homme à sa place. Et donc, à 8 ans, on a la conscience de se dire. Ah bah, on sait compter, hein, on apprend le calcul assez tôt. Il y a quelque chose qui vous a éveillé particulièrement? Vous avez des souvenirs de ça? Enfin, c'est vraiment quelque chose d'ancré profondément. Ça m'a choquée, quoi, de savoir que ma mère touchait 2 fois moins de salaire qu'un homme qui aurait fait son travail. Et donc aujourd'hui, elle était résignée par rapport à ça, ou au contraire, elle vous a inculqué une forme de révolte? Non, pas du tout. Elle disait juste que c'était un état de fait, quoi. Enfin, elle m'en a parlé, donc j'imagine qu'elle trouvait ça injuste, mais c'était la société qui était comme ça. Et donc j'imagine qu'aujourd'hui, le fait qu'on impose un ticket mixte, on dit « Ah, c'est super, pour les candidats, il y a 50-50 hommes-femmes », et puis la finalité... Alors il y a quand même beaucoup de vice-présidentes. Apparemment, il y a beaucoup de femmes vice-présidentes. Il y a beaucoup de vice, hein, quand oui, voilà. Vous voyez comme quoi, avec l'humour Agnès Soral, on peut tout résumer très très rapidement. Clara Dupont-Monod. Charline Manonecker. Rapidement, mais de façon concise et percutante, hein, je voulais dire. Non, mais ça... Clara Dupont-Monod, c'est votre grand retour sur cette antenne à 17h48. En parlant de femmes. On s'éclaircit la gorge et on y va. Mais oui, en parlant de femmes. Alors oui, parce que Charline, l'actualité, c'est, on l'a dit, hein, et répété, la grève, hein, dans oui, notre vénérable ça, maison. Donc si on résume... Non, je n'ai pas entendu la grève. La grève, syndicat et la direction bouchée, c'est moi. S'affrontent dans une ambiance de siège médiéval. En d'autres termes, ça chauffe. Alors, comme d'habitude, Agnès Soral, comme d'habitude, la littérature, ce casque bleu de papier, intervient et vient à la rescousse. Et comme solution, elle propose l'humour, qui est quand même le meilleur liquide de refroidissement connu au monde en cas d'ambiance surchauffée. Ça dépend. Il y en a qui sont morts récemment. Mais bon. Bien sûr, mais il y a quand même eu une valeur de liquide de refroidissement. Ah bah, en termes de refroidissement, oui. Ça... Ah, merci Guillaume Meurice Thorez pour cette intervention. Alors justement, Agnès Soral, je vous ai pris le livre le plus drôle et le plus déconnant qui est récemment paru. Il s'appelle « Concentré de best-seller », sous-titre « Ils ne sont pas écrits, on vous les raconte déjà ». Et en fait, ce sont des pastiches. Ce sont des pastiches qui sont signés Pascal Fioretto et Vincent Audiquet. Alors pour mémoire, Pascal Fioretto, c'est un grand pasticheur, il avait déjà écrit « Et si c'était niais » de Marc Lévy en 2007. Donc. Et il avait aussi fait « L'élégance du maigrichon » de Muriel Barbéry. Et donc là, il avait écrit un livre complet pastiche. Oui, c'est très drôle. Et de son côté, Vincent Audiquet, lui, il adore l'aphorisme, si possible absurde, et il avait publié un livre qui s'appelle « Mon boomerang s'appelle Reviens ». Et ensemble, les deux compères, ils avaient écrit « La France vue du sol » en 2009, évidemment pied de nez à « La France vue du ciel » de Yann Arthus Bertrand. Et bien sûr, ce sont deux fans absolus de Pierre Desproges. Donc là, ils ont choisi 80 auteurs poids lourds, ça va d'Amélie Nothomb à Michel Onfray, et ils imaginent leur prochain livre. Alors, celui de François de Closet, par exemple, s'appellerait « Toujours plus de moins », ce qui évoque quand même la feuille de route économique de Radio France. Christiane Collange ferait paraître « La vie commence à 95 ans ». Guillaume Musso, le roman « Hier arrive toujours après-demain ». Amélie Nothomb, c'est « Analepse du commencement », ça ne veut rien dire. Et Virginie Despentes, « Seconde sexe dans ta face », je cite « 369 putain de pages publié par ces petites bites de Grasset, lequel appréciera. » Alors, au chapitre auxiliaire de vie, car il y a un chapitre auxiliaire de vie dans ce livre, on trouve le psychiatre Christophe André, vous savez, celui qui fait des best-sellers pour apprendre à être heureux. Bon. Et bien là, d'après nos auteurs, donc, il pète un plomb. Son prochain livre, d'après nos loustiques, s'appellerait « Soyez heureux, bordel ». Extrait. « J'ai établi que la méditation ne pouvait pas s'effectuer en regardant BFM TV. J'ai donné les trucs et astuces pour garder le sourire, même quand votre fils part faire le djihad. » Alors voilà encore un bouquin bourré de conseils pour réussir sa vie, mais après c'est fini. ni. Je ne veux plus jamais entendre mes patients s'engueuler dans la salle d'attente pendant que je souris aux photographes. Fin de citation. Alors d'autres auteurs, d'après eux, continuent sur leur lancée. Et c'est le cas d'Annie Ernaux. Dans son vrai précédent livre, elle racontait ses visites à l'hypermarché de Auchan, en région parisienne, donc quand la bourgeoisie met un orteil dans la banlieue. Et donc là, d'après eux, elle publierait Les soldes chez But, 239 pages. Ni reprise ni échangée chez Gallimard, car, écrivent Fioretto et Audiquet, pour cette ethnographe du réel, pour celle qui sait voir par-delà les ventes flash et les prix cassés, le But de Béthune est un lieu où se déroule un spectacle digne et beau. Fin de citation. Alors, évidemment, l'exercice du pastiche est très jouissif parce qu'il permet d'inventer des histoires. Et il y en a un, notamment un auteur qui en prend pour son grade, c'est Christian Jacques, celui qui fait des best-sellers sur l'Égypte, le seul auteur qui avance de profil, vous savez. Et bien, Fioretto et Audiquet se lâchent. Franchement, alors, d'après donc nos zouzous, le prochain livre de Christian Jacques s'appellera Phimosis 4 et la légende du prépuce doré. Je rappelle, mais Guillaume Meurice le sait, le phimosis est une affection des parties génitales. Voilà. Donc, c'est l'histoire. Pourquoi il le sait ? Ne vérifie pas, qu'elle me connaît très bien. Ouais, je le connais bien, je le connais bien. C'est l'histoire du pharaon Phimosis 4. Elle est partout. Même là où il ne faudrait pas d'ailleurs. Oui, continue. Tu es journaliste d'investigation. C'est ce que j'allais dire. Le pharaon Phimosis 4 a donc bâti une pyramide inversée, c'est-à-dire qui repose sur la pointe, pour y cacher le prépuce doré, un lambeau de peau momifiée qui donne des super pouvoirs, lambeau que convoite également Akhenaton, danseur de Mia, et le fourbe Circoncis, beau-frère de Phimosis IV. Et écrivent nos zouzous, je cite, la pyramide frissonne sous les caresses des vents du sud. Oui, parce que le pastiche leur permet aussi de d'épingler tous les travers style, de l'édition française, tous les plans marketing, les petites phrases toutes faites, et ils imaginent que le prochain livre d'Olivier Besancenot sera un livre vérité qui ferait mal à un syndicaliste, puisque le livre s'intitulerait « Mon père, c'est Aristo ». Ils écrivent « Après mon père, ce héros, mon père, ce collabo, mon père, ce nazi, mon père, ce rigolo, mon père était ma mère et mon père, vu du ciel », les éditions Grasset, encore elle, je pense qu'ils lui ont fait, frappent un grand coup avec cette stupéfiante autobiographie d'Olivier Besancenot. Et en fait, son père, vicomte de Besancenot, lui a un jour retiré les clés de la Bentley, et ce jour-là, Olivier a découvert l'injustice justice et s'est promis de la combattre toute sa vie. Donc voilà de quoi pacifier la peuplade de Radio France. Autour d'un éclat de rire, je vous donne les références. Concentré de best-seller de Pascal Fioretto et Vincent Audiquet, pardon, c'est paru chez Chifflet et compagnie. Me donnez pas seulement les références, filez-moi le bouquin. Moi j'ai le pastiche du vôtre, Clara Dupont-Mono, le prochain livre qui s'appelle Comment j'ai pécho Charles II entre deux arbalètes. Et ce sera votre prochain livre. Merci Clara Dupont-Mono. Nous sommes toujours en compagnie d'Agnès Soral, qui elle aussi publie un livre, Frangin, chez Michel Lafon. Et avec vous, on va aborder le troisième sujet. Le politique a une nouvelle astuce pour paraître proche du peuple. Il fait des selfies. Même Bernard Cazeneuve fait des selfies. Je vais vous dire, mais ça lui donne le swag. Et parce qu'après, on peut liker sa photo sur Facebook. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Mais où ailleurs que sur le service public, on peut écouter Pauline Carton ? Je vous pose la question. Pour parler selfie, surtout. Et voilà. Ah ouais. Et oui, le selfie, Agnès Soral. Alors, c'est un article aujourd'hui dans Le Parisien aujourd'hui en France, Les politiques rois des selfies, où on nous apprend, un sémiologue nous dit, cela les rend extrêmement humains. Et ce sujet nous a touchés, vous comprenez ? Être laid signifie être humain. Ah, alors faire justement, comme les laits. C'est une question que j'allais vous poser. En fait, c'est terrible. Donc, les politiciens, et pas que d'ailleurs, dépensent des ponts pour avoir des conseillers en images, hein, pas que les politiciens. À l'étage de la moquette. Et en même temps, ils font aussi des selfies où ils sont forcément très moches, parce qu'on est toujours moche sur un selfie. On a une tête de mérou. C'est surtout quand on a des petits bras. C'est une bonne analyse. Parce que y en a, je ne vais pas balancer, hein, parce que je ne voudrais pas me griller tout de suite, mais s'ils ont le petit bras, ils ont une gueule défoncée de mérou. On n'a pas vu le selfie de Mimi Mati, c'est ça que vous vouliez évidemment mentionner. Les politiciens petits bras, on peut donc les repérer, c'est un bon indice. Le temps d'un cliché, ça met quand même le ministre de l'Intérieur ou le président de la République sur le même pied que le citoyen. C'est bien, ça, en fait, ça remplace l'autographe, non ? Ah, mais s'auto-congratule, quoi. Oui, alors c'est un peu ça, mais ils se mettent au même pied, ou sur le même pied que le citoyen, l'instant d'un cliché, je sais pas. Si vous croisez Bernard Cazeneuve, admettons, Agnès Sorel, est-ce que vous avez envie de faire un selfie avec lui ? Eh bien non, j'espère qu'il aura pas envie d'en faire un avec moi. Oui. Ce matin, Ryan Gosling se la pétait de dire « Moi, je n'ai jamais vraiment fait de selfie avec des gens. Vous êtes selfiste ?» Selfiseuse, bien sûr. Oui, non, pas tellement. Pas tellement. Voilà. En tout cas, la vie publique a désormais ses stars. C'est oui, puisqu'on veut faire des selfies avec les politiciens. Donc mais on, il a fait un là. Selfie avec quelqu'un. Il a pas fait un selfie tout seul dans sa salle de bain. Non, c'est les gens qui veulent faire des selfies. Voilà, vous verrez les photos. Vous verrez les photos donc dans Le Parisien aujourd'hui en France. Alors en cette période insurrectionnelle, Radio France, on s'est dit que ça nous ferait du bien à tous d'inviter Frédéric Fromet. Ah oui. Agnès Sorel, c'est notre barde. C'est notre barde. Il parvient toujours à trouver des mots sur des notes pour nous raconter des choses qui après nous font recevoir des mails, d'insultes. Il a peur de se faire battre parce qu'il a un casque sur la tête. Voilà, et on va l'écouter. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors c'est pas du tout radiophonique, mais on m'a fourni un accessoire indispensable. Ça, c'est une moustache. Une moustache. Par quelqu'un, voilà. Moi je soutiens Mathieu Gallet. Je n'ai jamais aimé le parquet. Moi je suis là pour te défendre. Dur, dur comme le palissandre. Pour avoir un joli bureau. C'est vraiment rien, 100 000 euros. Cette moquette, si elle te plaît, je l'ai posée, je la poserai. Mais quoi que tu fasses, les rouges gueulent sous tes fenêtres. Si ton conseiller était efficace, tu nous lirais la lettre de Guy Moquette. Les boiseries dans le budget. Je t'aime, Mathieu Gallet. J'en ai perdu ma moustache. Si tu veux refaire ton burlingue, un plan social, ce n'est pas dingue. T'as plus d'argent pour les bénistes. T'as qu'à virer quelques grévistes. Heureusement, y a Fleur Pellerin. Celle qui lit tant de bouquins. Là, on peut dire qu'on est gâté. Avec une fleur et un galet. Mais quoi que tu fasses, il faut vraiment que tu nous sauves de cette playlist qui passe et qui repasse. Je n'en peux plus d'écouter Fauve. Des merdes comme s'il en pleuvait. Au secours, Mathieu Gallet. Merci. Merci Frédéric Fromet. On était ravis de vous soyez. C'était bon que vous dire. C'est d'Espagne Sorel. Il y avait une petite moustache qui se balançait comme ça. C'était vraiment très très joli. Il a perdu sa moustache. Mais je suppose qu'on vous verra en vidéo, chers auditeurs. On vous donnera l'adresse pour aller voir tout ça. Bien sûr, Mathieu va retweeter. À mon évidemment, avis. Évidemment. Merci infiniment Agnès Sorel d'être notre dernière invitée puisque l'émission s'arrête. Alors qu'elle venait de reprendre Agnès Sorel qui publie Frangin chez Michel Lafon. On était heureux de vous avoir. J'ai passé alors un très très bon moment. Oh merci, grâce. À vous, dès qu'il y a une grève, vous m'appelez. Mais oui, vous étiez en forme. Alors l'occasion de dire aussi merci beaucoup à Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet, à Benjamin Riquet, à nos équipes sans qui on ne peut rien faire. Et voilà, et qu'on soutient. Vive la radio de service public, vive Radio France, vive France Inter. Et nous laissons le mot de la fin aux grévistes, tous les grévistes de la Terre. Et bien voilà, nous revendiquons. Et nous sommes là ce matin parce que nous revendiquons.